Les petites histoires de Tell Me. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des pierres empilées. Dans le marais voisin, il y a une pile de pierres plus haute qu'une maison. Elles tiennent en équilibre sans mortier, ni rien du tout. Une curiosité zoologique, enveloppée d'un épais mystère, sauf pour maman. La première fois qu'elle l'a vue, une envie l'a démangée, retirer une pierre comme au Jenga. Après de longues minutes à l'examiner, maman est passée à l'action. La tour a vacillé une microseconde et sans s'écrouler. Elle est rentrée triomphante. Mais le soir venu, alors qu'elle tirait les rideaux de sa chambre, elle a vu quelque chose d'incroyable. Appuyé sur les carreaux de sa fenêtre, se dressait un troll des marais. Il avait l'air plus triste qu'une pluie d'hiver. En suivant son regard, elle comprit. Il fixait la pierre qu'elle avait retirée de la pile. Alors, ouvrant sa fenêtre délicatement, elle a rendu la pierre. La tristesse du monstre s'est évanouie. Il a même esquissé un sourire plein de dents pourries avant de repartir. Après ça, plus personne n'a jamais osé voler l'une de ses pierres. Et la pile, aujourd'hui plus haute qu'un immeuble, ne cesse de grimper vers le ciel.